dimanche bu jot de 11h à midi muy jall dimanche bu jot 11h ba midi ci radio ci dëgg kon kuy déglu way déglu leen ndaw lu neex. Assalamualaikum mbokk auditeur Sud FM yi, man la maître Elage Omar Young, ministre de la gouvernance locale, aménagement du territoire, développement, porte-parole du gouvernement. Man la awa ciow invité ci émission bu am solo biñu tuddé Diano bi di am dimanche 11h midi. Ah waxtan nañ ci nak waxtan yu am solo, waxtan nañ grève travailleurs des collectivités locales yi, ci politique de décentralisation bi ak tollu wayam, ci faux vrai scandale bi nga xamné mom lañuy wax ci dëkk bi affaireu Petrotim ak yoyu ak ArcelorMittal, waxtan ci lo xamné aussi moy avenir benno bokk yaakar. Ah ma ngi leen di ñaan ngeen déglu waxtan bi, waxtan bu am solo la, di leen gërëm di leen sant. Janobi jotayu deug dimanche bu jot 11h à midi Janobi jotayu deug mbokk deglu katu Sud FM sen radio. Assalamu alaykum dal len jam fi ci sen émission Janobi. Janobi di émission bi am di beur bu nek Sud FM ñukay amal 11h ba midi. Tay ji nak ñi ngi dalal maître Elage Omar Young. Maître Elage Omar Young mo di jori gi nga xamni si mo ñu denk walu aménagement du territoire ak nga xamné si mo nek mbiru collectivité locale yi manam gox yi nga xamné si mo nek ci réew mi mom nak tay ji mom lañu dalal ci émission bi nga xamné mo nek jamo bi fasiyene waxtaan ak mom ci li xew xew yi nga xamné mo am ci réew mi mo xam ci mbirum kom kom la mo xam ci walu politique la ak yeneen ak yeneen. Tay ji ci lañu fasiyene wéccante ak ñoom li nga xamné mo nek walu xalaat ci lañu fasiyene wéccante ak mom ay xalaat ci émission Diano bi. Maître Omar Young mang lay nuyu. Assalamu alaykum mang lay fay mang lay nuyu auditeur ak auditrice ñu bëgg. Ñong lay sant di la gërëm ci ñoo bi ndax té seen calendrier souvent day nekk lo xamné ni ci lu fess lay doon yeen ak ñun danaka ñoo yam ci lu ñuy def ndax tay metti yenn say xat lool waye nak buñu leen wowe ngeen dikk rek ñu wéssi nañ leen ci sargal bu baaxa baaxa baax wa jam la jëm naka rew mi nak réew mi day ñu ngi sant yàlla coow bi neenu cour ak trois décentralisation bi ñu béeree ni nii ci liggéeykatu collectivité locale yi nee na jotuñu seen payoor. Waaw bon coow moom du mën a ñàkk ci réew surtout réew bi ñu ne réew démocratie la réew liberté la il faut moo am coow tax it ñun suñu rôle mooy fu coow nekk ñu jéem a xool coow loolu lan moo ko waral bu dee ci ñun la sooxe ñu jë ci indi ay réponse wala ay solution bu dee ci ñeneen la sooxe ñu jéem leen a gunge ba li nga xam ne moom lañu war a doxe ñoo ko doxe ñëpp nekk si jàmm. Coow ak fi trois bi yàgg na am mais dëgg bañ ko yëkkatee daanaka am na ñu ne woon baaxul et cetera sans pour autant sax ñu xam lan moo nekk ci biir parce que Sénégal moo demee noonu. Ah bi ñu demee ba ci biir ñu bëri ne ah wax dëgg yàlla ñun kat xamewuñ ko woon ni réforme bi réforme bu baax la niñ ko gisee daal dal na xel niñ ko gisee dal na xel ay application ñoo waaye bi ñu demee ba jub élection yi xam nga fàtte woo ne am na ñu ne woon ah acte 3 bi dañ ko def pour xeex ma Samba pour xeex ma Demba pour wàññi doole ma Samba ak pour wàññi doole ma Demba waaw dañu ko doon wax Dakar lañu ne mais am faral di wax ne réforme boo xam ne Sénégal yëpp la laal Sénégal mu ngi nekk tollu tey ci 557 collectivité locale ñi nekkee Dakar maanaam presque 10% la waaw léegi 90% yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi nekkoon ay communauté rurale ñu def leen commune ak département yi ñu érigé en collectivité locale. Ah jàpp naa ne bu dee dañuy xayma bu fukk ne bon na wala lii xeex ma la wala pour wàññi suma doole téeméer ne baax na lii pour yokk suma doole la gis naa ci suma bopp ah wax dëgg yàlla bu ñuy jugé dañu naan kon réforme bi baax na. Maintenant nag comme réforme bi dafa am dimension politique am dimension économique et financière am dimension organisationnelle loo def réforme bu ñëwee dina am ñu mu wàññi seen maqaama am ñu mu seen maqaama am ñu mu réorganiser am ñu mu jël seen privilège am et cetera et cetera loolu du ñàkk ci réforme ak ñoo xam ne it bam leen donte dara jotu leen ci dinañ muuxu parce que ñoom dañoo féete ci wàllu opposition donc lu ñu def dañ koy ñaawal am ñoo xam ne seen position xawuta leer parce que position bu ambivalente la ñooñu tamit dañuy soufflé li ñu tubaab di wax le chaud et le froid donc loolu aussi day nekk ci xaflu tànk waaw mais li loo la mën a wax mooy bu dee difficulté yi nga xam ne travailleurs yi ñoom lañ jànkonteel wax dëgg yàlla defe naa coow loolu Dakar rek la am presque amul ci beneen région waaw région Dakar aussi dama lay expliquer moy département yi nga xamné moy région yi région de Dakar la Thioly nek département de Dakar le EP liko waral moy lan moy biñu def réforme le Pikine amna refisque tam Pikine amna fa ben commune bo xamné signaler nañ ma né commune bi munta fay wax nañ mo aussi li tax mënul fay du ñak baña fay mais dafa amul xaliss pour fay risque est ak risque nord risque nord risque est fay nañ risque est fay nañ fay nañ waaw ci li information yima jot risque nord mo am problème man risque est sax lay wax parce que voilà donc invité wonna fi borom daf mané won carrément wa mais bobu yalla ñu yor ci ay jafé bobu dañuy wax rek mais ñun yor nañu information financière yi yor information sur le personnel xadam lan mo nek ci sen compte parce que ñun yo lañ yoree sen compte état mo yoree compte collectivité locale donc xam nañ li ne ci bi ak li nga xamne mo nek ci amna ci ño xamne effectivement ci ñet ba ñent ci département de Dakar ben ci Pikine ben ci Guédiaba wax deug nga xol mu nek ay 5 sur presque 43 xawma 42 ñoñu mënu ñu ñoñu gis nañu ne li gis ak gum dina won il faut ñu jappelé len pour mois de décembre ak janvier ñu mënu len fay té loolu ñu ci man liggéey na ci dossier bi ba jox ministre des finances ben document bo xamné bañ ci sukkos ndako dina len mëna gogu pour yambal len fay kon nak ñeneen ñu mënu ñu fay ñu bëgg wax na dañu bëgg indi ciow rek loolu kay dama ne la man mala ko wax fi té kenn lako dindi xam nga li lako won d'abord bu ñuy dem ci réforme bi ñu né réforme bi da fay xex du ak ma samba ak ma demba loolu ñu waxon bu mom kan la non dañ ñewon dañuy xex maire de Dakar ville de Dakar lañuy xex dañuy wañi doole xalé sal waaw bon mo andi ci tontu ñaari tontu pour wone réforme mënul xex Khalifa Sall parce que réforme dafa doole la Khalifa Sall ñu ko doole le ñu ko doole le moy dañu jël ville bi bayiko ak compétence yi nga xamne ñoo ëpp doole compétence nga xamne moko ëppal lu muy jur ci xaaliss manam melna ñu yow jël ci sa yow ñaar yokku fuk parce que li ñu jël ci mom moy li nga xamne danaka lool sax moy sonal collectivité locale motax d'ailleurs commune d'arrondissement yi di ñi nga xamne dañ nekkon commune d'arrondissement di wax ne ñun li da fay metti ci ñun parce que moy li nga xamne mo gëna moy personnel centre de santé 1600 personnes concernées ñu wañ ci mom lepp lo xamne état civil la nga xam fofu tamit boy xol ci commune yi mo ëpp lu ñuy jël ci ay nit loolu yëpp ñu jëlé ko ci ville bi yobbu ko ci commune Dakar yi c'est dalé commune Dakar c'est dalé ko commune Dakar ci personnel wa ci personnel bi ñi am 100 ñi am 50 ñi am 25 en fonction de situation structure nan lañu nekk ci Dakar ak sen poids financier ak sen ñu jël li nga xamne mom mo ëpp doole ci tuy indi alal mu bayiko ville bi moy taxe ordinaire moy patente nga xamne moy presque représenter plus de 60% budget ville 60% mu bayiko ak mom bayiko ki yenen yi nga xamne mom moko mom donc suñu fekk ville bi muy jëlé ñaar ci mom ci ay charge wala ñett ci ay charge bayil nañu ko fuk wala fuk ak juroom yo xamne ni luy koy may doole la ak xaaliss suñu fekk bu ñu xol 30% de compétence lañ jël ci ville bi yoko ko 60 bayil ko 70% de ses recettes fiscales d'ailleurs lolou mom da koy wax toujours man amna xaliss dama yeggal sumay projet amna nangam nangam kon xam nga ne koku wañu ñu doole bu doon wañu doole dañ koy wañi ci alal mais boy xol liñ ko bayil ci alal mo upp fouf li nga xamne ni mom lañ ko jox pour mu koy doxal ci tax ñu def ko nak moy biñuy def réforme bi bul aussi dafa melni dañ koy faté wala sénégalais yi duñu témoigné lo xamné ñi nga xam dañ ko sékkon biñuy liggéey duñu wax li nga xamné mo nek biñu def réforme bi président de la république té lol wax na ko waxati ko waxat do dégg ku ma wéti dañu ñëw ba diko defal bi mi def concertation yi avec les élus locaux élus locaux yi moy manam ñi nga xamné ñom ñoo constituer ay bureau ak ay association parce que ñoo ñu mëna waxal UIL tok l'association des maires association des maires tok association de l'union des élus locaux tok association des régions nga xamné ci pour won nañu sama bokkon nañu ci délégation bi ñu tok ñom ci sen bop document écrit lañu def c'est-à-dire sen contribution dafa nek contribution écrite dans le cadre des concertations wax ak président né ko nak ñun gis nañ ci ce projet bi lo xamné ni yaakaar nañ né il faut ñu dindi ko pour mu mat président na len lan la mu ne ko rapport yi nga xamne ville daf koy am ak commune d'arrondissement yi pour ñun rapport bobu da fay violer code bi parce que code bi waaw code bi dafa ne les communes sont d'égale dignité. Manam les collectivités locales sont d'égale dignité. Dignité. Or, entre rapport ville et commune, bu ñëk ba ville da fay jël commune ëmb ko ci biram, commune dépendre ci ville. Muy jël xaaliss diko jox. Lég lég en fonction sen rapport ni mi mel. Bude yow ak maire ville bi déggo ngeen wala déggo wulen wala bokku len parti wala nangam nangam mom lam lay jox ci dépense ak lamuy jox ñene ñu da nek ben ñaar lég lég mu ñew ci biir commune arrondissement yi difa def ay travaux yo xamné exécutif lako yi manam maire commune d'arrondissement yi sax duñ ko yeb ñett moy nak ñom xamnu fa lañu tek ñu né collectivité locale moy collectivité locale bi nga xamné bo nekké commune da ngay am autonomie de gestion ak autonomie financière té ñom mënu ko am ñentel bi ñu né comprendre ñu pourquoi décentralisation liko taxa jup mom moy service de proximité état civil duñ ko topato suñu population dañu fi jégg gi dem ba ville outil état civil ñi pass ci ñom muy choono ci ñom ba paré nek ñaka rek ci ñun école yi nek suñu primaire xamu ñu la fay xew ñu ñu fa duggal suñu loxo ñu ñu fa def dara dañ fa xam luñu fa naqari sax te duñ ko mëna fajj marché yi nek ci suñu biir quartier di trimal suñu ay quartier di andi ay nuisance ci biir quartier bi ñun boudé marché bu tout la ñokoy géré moy tablier yi ne ci quartier yu ndaw ndawane ak boutique yi boudé marché bu mak ñun dañ ko yor parce que fay dem xam ñu nu mu top ken bolé wuñu ci dal ñu la ñu yéno mana la ñu yokkat ci infiné né yi nak Sénégal rek la am manam ben genre spécificité sénégalaise lañ am bo xamné amul fen amul ci benen réew te dépendul sax ak certaine décentralisation parce que pour le monde se bat dañ lay jox li nga xam nga mom té le président rôl kat kon nañ ko sét ñu jox ko expert yi nga xamna ñoo nekkon ci comité national de pilotage bi expert yi xol ko né effectivement li war nañ ko mëna dindi nan lañ koy dindé ñu né duñu supprimer ville dañuy bayé ville fi mais quand même ñu jël yenn compétences yo xamna dañuy nekk dans un processus de spécialisation service de proximité de base ñu jox ko commune service yi nga xamna dafa nekk ay services transversaux manam plan d'occupation des sols nettoyement éclairage public ak ñu démé non ñu nañ ko jox ville ak lepp lo xamné commune yi bok ci biir ville bi d'accord na pour yëkëti ko jox ko ville moy mutualisation xam nga lool xam xam ko lal du ay xex nit do wañ nit wañ ñu salaire bu ñu xex nit dañu wañ salaire wañ doolem wañ am amam wañ tamit statut ci statut bi dañ ko yok parce que moy ville est ce que xam nañ daal ñom ñu batay recette maire de ville yi recette daal am leen ma deggol li ma la wax ba lay dara wañekul sen c'est à dire à part de cette qui xamna day top salle de santé wala mu top école yi wala mu top marché yi amul dara lu ci wañeku ak peut-être publicité yi nga xamne ville moko dan yor budul lol amul dara lu ci waj dama ne la 70% recette fiscale ville mu ngi encore ak ville donc yow bu ne dañ la wañu ñu sen statut au contraire dañ la na maire nga ba paré ñu ne un ñu ne la maire la bo xamne ne ko maire bu spécial parce que maire la bo xamne dañ la jox compétence bo xamne président de conseil départemental mo koy doxal man kan lool biñ koy def borom dañ ci xex nit jox la compétence président conseil départemental nga koy exercer ñu yok sa salaire dina jox 1,250,000 yok sa maqam jël nak li nga xamne mo gëna jafé yor parce que ñun gap nañ ne peut-être lool war nga ko mëna yor parce que lool mo fi ñu jox la ko wax dëkk la kon ñu xexu ñu kenn ci doxalin bi aussi da nga bëgg li ciowli li muy bare mooy yépp nak bëgg am tour rek comme bureau politique ko laal nga bëgg wax pire wax na sama ben lima li lay wonat dama wax na la ben la xaar non nga wax na la tout sina xaar politique yow dëgg yaa mais ak ciowli li muy wéy yépp amuñu luñu fayé sen personne et cetera ñen dama la wax akum ben xam nga dañu commencé won ci ciow ne dañ may xex won na la na xexuñu au contraire wa légi benen position bi malay wax témé ba def changement bi ba ñom ñu installé wu bañuy voter loi bi décembre 2013 lañ voter loi bi téréwul mu dem campagne xamoon nañ la ci loi bi xamoon nañ am nay changement xamoon nañ ñi fi ni lay démé parce que yaakaar nañ ay intellectuel lañ do dem di xéxi dara mu jaral la nga dem ci sa alal ak sa temps ak risque yi ci jël ci campagne électorale té xamoon li ngay xéxi bu xéxé ba ñew liñ jëk wax moy lan amuñu mënuñu voter budget yene lutax mu len voter budget est boy voter budget dañ lay autoriser pour ñu voter budget est ce boy voter budget dañ lay habiliter voter budget tay comme am ngeen sen assemblée ñi conseil municipal est souverain l'élu local s'administre librement tok ngeen voter budget dañ tok ngeen voter sen budget ñun amuñu information ñu dit yow li nga doon yor xam nga ko liñ la ci yok xam nga ko lam lay jural xam nga ko kon ngay normalement war na sen budget wu ñetti wër ñenti wër waaw ñu ne len deug da ngeen dina aménager no taxaw rek xam nga lot bëssa ñu ko do mana no yeenu na mana ñetti wër ñenti wër yeenu na mana budget wa à chaque fois buñu changer statut manam création nouvelle la parce que dana le ville bu ñëk ñu ko doon définir juridiquement ak ñu ko créé won juridiquement bokul ak nimu mel bokul commune d'arrondissement lam daan juger juridiquement ak STM ak bu bes bi nga xamne commune de droit commun la bokatul communauté rurale yi nga xamne dañu nekkon ci all bi ñu def leen commune dañu changer bokatul loi bi nak mo ne te lool loi bo xamne la du ci droit état loi bañu changer dañ ko maintenir ñu à chaque fois que amna création nouvelle changement de statut amna chopeku da ngay ci am nga 3 mois maximum pour défaire ce budget ci bir 3 mois yow xam nga né c'est urgent tabaské ngi djégé ci secours xawma ak ki ngi djégé ci appui pour dem maka ak nangam nangam ngi djégé ci nawetan ngi djégé ci tam nga 3 mois té installé nañ le depuis le août lo li nga wara djëk dem moy lan fandou défaire ce budget pour def ko communauté rurale ben askom mo fa dan am ñu gogor nañ ba ci biir 3 mois ñu def sen budget département yi création bu bess la gogor nañ ci 3 mois ba défar sen budget ville bi nga xamné préexister na à la réforme ak ay servicesam service financier division financière division technique lu ne am nañ ko ay personnel cadre bu haut niveau am nañ ko bay dem ci bourse ak marché financier ko mëna taw ak yonal man mënuma défar sama budget nga gëm ko kon moy ben ñu joggé fofu ñu xamné li ay tiaxan la préfet commencé né len bu délai bi jéxé té voté wu len man dina voté liñu gëgu moy wan sénégalais yi né liñu voté wul budget bi parce que difficulté acte 3 la lol mo len jurul do len dem makaret do len am xaru tabaski do len am secours école yi bo moy tu duñu am luñu jàng et cetera et cetera lol lañ bëgg woné té lol mën ta jall da nga yakane mbir bi kon pour xex rek ak xex la dañuy saboter dañu nek ci disposition de saboter xex ak 3 et cetera mais 3e point xam nga 3e point bu ko ci ci togal dama lay xale tay buñu toge ak yow bo waxe ñu ni yow yaay yaay bu keneen toge buñu waxe ñu ni mo yaay man limay wax ni kenn du ko xam nga limay wax ni xam nga lokoy won bu ko ne duñu voté budget parce que amuñu information fuñu mujjé dégg ñu na amnañu voté parce que tardivement parce que bi préfet commencé né mo doon voté pour 3 mois jéxé damay arrêté budget yi préfet Dakar wax lool sous préfet arrondissement yi wax lool amna yo xamné da nga dañ voté sen budget du deug kon mo lay wone kon liñ doon wax ay waxu ki la rek ñu joggé fofu luñu wax salaire biñ ko mëna fay lan mo taw ci député ba fay ñu may amul wax né mo mësu ko dama na la ci ñu ñepp dama na ci lañ bokkon man mi la rencontré len plusieurs fois rencontré len devant le préfet de Dakar rencontré len ci suma bureau xamna limay wax bu baax ko ci togal wax dina xamne li nga koy wax mi yamu mana la mais bu ñu genné par solidarité ou quelque chose comme ça dañuy jema defal len mais li ma la la preuve man kay dama ne la amna ci ño xamne dama len ko yemal ay li yeen bu ñu 5 commune yo xamne amagum nañ ay information yo xamne il faut jappelé len am dañ len jappelé mais ñu ci dess dal amna ñu fay rek mais ci dess mën nañu fay parce que ñu ñu xaliss pour fay ñu bëgg sa moté la preuve moy fay nañu te kenn duñ ne dañ la dimbalé am na dañ dañu am xaliss bu bes bu len bet motax ñu fay parce que li tax fay ñu moy dañu ñew ne personnel buñ ko recevoir personnel boko recevoirul immatriculé ko nekul ci ce registre de personnel yow maire nga nek ne no duma la defal ordre de service duma la defal état de paix duma def mandatement mais lool moy yow ya baña fay je peux comprendre nga def lool yeb ba paré mu dem trésor rejeté dans ce cas ñu ne ah ñun def nañ li ñu waron def trésor mo baña fay parce que amuñu xaliss bi jëmu ñuko la plan bi ñu jëmé fay lañu donc dama la bëgg wax ne très franchement il y a plus de politiques politiciennes que de contestation objectivement acceptable ci réforme wa légui nak yeen ñepp ngeen bëgg ligéyal askan bi moy ministre bi nga xamni moy collectivité locale et cetera pour itam askan bi denk leen seen ba pour ñu saytu seen gox yi yoré leen ko lan mo wara am ci seen digënté de mbiru sama xal mais moy politique bo xamne rek yow comme da nga japp né victime nga nangam et cetera bon nga continuer nonu am ay nit la ci jappalé bon souvent tu as envie aussi comme ça t'as réussi dans les lors des élections de 2014 de juin bon tu penses que peut-être ça peut réussir jusqu'en 2017 voilà c'est les perspectives des... non je pense que le règle parce que biñu né ministre bi buñu ko soxla duñ ko gis kenn mënu ko wax suñu buñu né ministre bi buñu amé problème bu jëmu ñew xol suñu ay solution indi ay solution buñu né duñ leen gungé duñu né duñ leen jappalé la preuve les travailleurs conseil régional kon nak dañu bëgg li seen intérêt bop doomu ak seen ciow bop rek indi ci man dama gëm moy loi bi mu bax mu bon voté nañ loi bi assemblée nationale mu voté loi bi li wara nek te jaadu pour un citoyen moy fexé ñu appliquer loi bi donte nak da nga nan loi bi amna lu ci soxé nañ ko changer nañ ko défé ni nañ ko défé ni manam dañuy dem di joy yenti dal préambule mais man na ci nak wa parce que man j'ai toujours dit il est formé mais jamais parfait mais jamais parfait on peut toujours parfaire mais li ci nek nak moy on se donne la volonté au moins appliquer ko salaire ñeu gëna do fay do def mandat do def nangam nangam do def virement mais lolu bu ñu né ak sotro la légui fi ne fay nañu dal ah man de bëb may mujjé fi li ma wax ak préfet Dakar ci li ko wax comme contrat rendu Dakar manam presque ñep fay nañ presque la ci mujjé won dal virement mo xawon tan te def nako deg na ko japp na ñep dinañ fay mo tax ñu bëgg wax travailler comme yeen xex bi ñoko bokkon parce que man pour man c'est inadmissible travailler liguey bo werté da fay mo koy taxawal lol parce que simplement ay des data wala ay nangam wala da ko wara fay mais do tok diko xad ko gi et puis limuy jull dafa metti buñu banké sen loxo centre de santé hein mané kon da fi né c'est de l'histoire ancienne ah mais je pense que ça va être de l'histoire ancienne parce qu'ils ont l'argent pour payer jusqu'au mois de décembre donc normalement on aura un problème maintenant après 2015 on verra il y a un nouveau budget qui sera mis en place avec une augmentation quand même assez substantielle 17% d'augmentation du budget presque 6 milliards donc je pense que on a quand même fait partition bu jaar yon kon nak ñu gis mais fi mu terminé aussi moy collectivité locale do ngay tok rek xaar lepp ci état alors même France les collectivités locales mo suñu doxé nonu sax mais non nak loolu lañ bëgg ñom c'est-à-dire dañu bëgg wax né suñu charge yi na ngeen ñuko fayal non collectivité locale naka jekk mo suñu toujours day am problème am déficit ñu ma dem tay ay relation naka jekk dañu am ay relation loolu nak aussi dafa baax nak ñuko defal ay jani collectivité locale mo gis non lu ñuy défé li ñi am dafa baax nak ñukoy préciser naka dans le cadre de la coopération décentralisée dama gis né collectivité locale mom gis na ci benn bu baax la ko kenn ku ci nekk ñu pay ay pexé xey ko nak bu réforme ñëwé ak xeyna am bari wax mel wax kon ci am na yu bari yo xamné won nañ alléger un tout petit peu waye défé na loolu té nek mbir mo xamné ci dañ ci taxaw bu ko dal gorgoru dal wan war na dal xamna ay responsable lañ ñoo lajoon ñu fi légui nak benen solution ngi fi laj nga ay mbir dem nga ci bir gis nga li mu noko doxal waaw mais quand même nak da dal ko ñoom moy delo de ah man nak yi de mënu ma ko doxal xaram ma baye keneen jël ni gis nga suñu Sénégal gi nak waaw waaw kon nak ciow lu ko ko fenn gis nga di ciow te yow sax suñu nga taxaw di na may defar may na am na ngam te doba gis nga fenn lolu suñu man de su doon man mo gis na li mënu ma ko yor li ay difficulté la may andil honnêtement da may ba dama nan li mënu ma ko doxé ni réforme bi d'accord ma ci li mo nga jox baaxul mo mënu ma ko jël fer bi ko delo mo gëna yom di mo gëna yom ko dal bokki kon yene gi deglu batay sen émission jamo bi ci Sud FM sen radio kaddu gi di bayiko fi ci Dakar ñu dal fi maître Elage Omar nek ci jor ñi nga xamni si mom lañu denk collectivité locale yi nek gox yi nga xamni si ñu nek ci réew mi tay ñu lañu dalal kon ci sen émission fa ci waxtaan ak ñu ci lu bare bare ci bi réew mi waye gi nga sen acte 3 bi maître da lañ ko waxati da wa desan lo xamni xam nga bo sétaté département lu mel non bour xéna xamna lu bëru dafa amoon département ay kawal yu yépp bu ay kafrine am na yoo xamee ni si xamna lu bëru dafa amoon maintenant cet acte 3 bi ni ngeen ko defee te amul daanaka benn coppi ci wàllu découpage administratif bi nga gis tey jii sax benn collectivité locale boo xamee dina mën a ëmb benn collectivité locale xam nga lu mel noonu am na ci département yu mel ni Mbour benn collectivité locale boo xam ne beneen daf koy wër carrément parce que bi nekkee communauté rurale ak commune ça pouvait se comprendre mais maintenant tey boo demee fu nekk nga gis commune signe presque ëmb ko benn partie rek la ko laxal nga dem fu mel ni Mbour presque benn commune ko ëmbaat muy commune Mbour loolu naka ngeen di def ba régler lu mel noonu waaw il y a une commission quand même cohérence territoriale bo xamné parce que ak trois dafa bari ay commission y avait trois commissions hmm ñu commission bo xamné lool rek lay xol lool rek lay say c'est à dire li nga xamné incohérence territoriale la ñu jëne apporter ay correction ñu jëne ci indi sa wa amna ci bare yu ñu recensé yo xamné ni inshallah yakarna dans la deuxième phase dinañ ko régler mais xam nga tamit découpage redécoupage rectification y aura toujours des sensibilités xamne mo am ñu ñu jël communauté rurale mais la commune de Malikunda alors koku bo bëgg jël lako damay jël quelques villages ci yow mo bu ko fulé mo bu ko mur parce que non rek moko mëna corriger ah est-ce que population bob nañ ko d'accord parce que ñom ñu calculer sen souf ñu calculer sen affaire comprendre tay bo déggé ñen ñi di wax tout le temps dañu ki ni dañ ko rectifier ñu ci bëri aussi quelque part il y a des visées sur les terres des autres té terre dafa sensible Afrique. Sensible. Après avoir nous géré cette terre de n'importe comment, ba nga xamné amatuñu souf, légui dañuy am ay visée ci communauté rurale pour jël ay ki pour mëna rattacher. Xam nga lool aussi ah population aussi dañuy tit ño xamné mësu len dëkk. Mësu len bokku ay culture, bokku len sociologie, bokku len ay tradition souvent. Da bëgg xey ben jour rek jël ki rek tafalé parce que décentralisation aussi li nga bëgg moy ben cohérence identitaire lay bëgg souvent. Ci culture yi ci sociologie bi ci gi parce que ñi nga xamne ñoo bokk waasu bu baax ba mu fess ñooñu dinañuy bokk ay synergie dinañuy bokk pour and pour développer so qualitatif dina gëna yomb manam so leen waxe dara pour ñu andono defandoo ko ci jubul ci day yomb day renforcer sen démocratie locale day renforcer sen liberté locale mais souvent bo ëndé rek yo xamne ki wuñu da ngay ka aussi donc question bobu da ngay question bu sens déséquilibre lay pour déséquilibre parce que xamna né féké né aussi fentou len localité yu benen affaire biñu indi pour corriger lool mo lañ tuddé intercommunalité mo am intercommunalité institutionnelle manam comme ñi nga xam dañoo touti wala bari wuñu doole buñu nekké ensemble jël seeni compétences jëm ko exercer ndo ensemble jël seeni finances jëm ko partager ndo ensemble pour régler yenn compétences stratégiques yi da fay am solo amna intercommunalité de contractualisation manam ngeen ñew xol nan ngeen di bokké seeni programme yo xam nañ leen di financer ngeen bokk programme pour def ndo ay suivi comme yenn ki xam nga pass tay amul benn commune ancienne communauté rurale mu mëna am service technique d'accord bu mëna def appel d'offres sur les pistes bu mëna def suivi sur l'appel d'offres bu mëna def suivi des chantiers et des ouvrages etc etc donc elles seront obligées de faire une maîtrise d'ouvrage déléguée appel d'offres c'est pour ñu def ko pour dossier d'appel d'offres yi ak technicité bi ci nek dañuy am problème bu ñu andé ensemble dinañ mëna am kenn ko xamné dina def loolu comme ça financement wu ñaari communes yi nga xam dañoo bok piste bi transverser len mën nañ bolé sen ki loolu lañu tuddé intercommunalité de compensation mën na am aussi de planification manam dañuy def aménagement du territoire awma doole bi amo doole bi ñu jéma xol nan lañuy bolé pour que ensemble ñu kondo suñu planification territoriale bokkondo suñu planification de développement bokkondo suñu yu bëré donc yoyu mu gëna ci ñu ngi ci commencer di waxtaan amna ay piste yu leer yu ci am bu soobé yalla dinañ commencer di def ay non dama né ay pistes de réflexion la déjà ñu démé ba identifier ba consolider len nak ci lañu commencer di partager avec les élus pour ñu mëna xam les enjeux mëna ko percevoir après ñu soga def ben réglementation bo xamné c'est à la suite des partages qu'on va faire parce que la loi a déjà prévu les bases de l'intercommunalité maintenant après légui premier décret dañu bëgg jël le temps de la réflexion et du partage bala ñu def décret bala ñu def décret bokay ko ñeet bi def bu seen émission jamono bi ci Sud FM Sandra ko ñu dalal fi maître Elage Omar ñu nga xam ñoo di jëw ñu denk walu collectivité locale ak aménagement du territoire ci fi nga xam ne ci mo nek rew mi jamono yi nak ciow ñu ko ra ci xam nga Sénégal da bari ay ciow bo tek ni barandal ko rek benen dik digënté maître Abdoulaye Wade ak Sénégal ci bi tay yi jaxal ay li ci mbirum pétrole ci ArcelorMittal mo do jeex pour ñu né li muy avancer dafa yor ay firme manam mo ngi naan preuve borom jidi Ali Guy Faye ak premier ministre kenn ku ci nek def na ben sortie mom itam wax ñoom itam dañ yor nañ seen filmé sénégalais nak ñoom ñi ngi tok di xol parce que amul kenn ko xamé ni si dang ko ni samay filmé ni manam kenn ku ci nek rek nga yor nga seen filmé mais sénégalais sénégalais kenn newu len aw nak kenn taw nak talal li len seen filmé aw nak aw nak kala duggo ci tu gouvernement bi lan ci tu gouvernement bo ci duggé deglu mo ah gis nga bo déggé ma cité sénégalais man mi mëna dugg cité gouvernement taxul may wax wa d'accord amna ñu xamé tay xam nañu ñu normal déglu ma wa ma lay dégg mënu ñu dig dugg cité gouvernement amna ñu xamé ni mënu ñu yoré kéet pour lire ñoñu da nga leen nan damané ñu né han ñu dégg ba paré bo leen né damané ba nga yoré wal la tax nga leen lan damané fa ngeen tollu ci loolu fimné ciowli néna ko top awa dal ciowli démé dal na yeen da ngeen téla bu ko yëkëti won dé sé nañ ko ciowli sax ju koy déssé parce que amna ben journal buma gis damay baña def publicité mais j'ai dama buma aimé titre bi wa mon un vrai faux scandale un vrai faux scandale un vrai faux scandale wow. C'est la réalité un vrai faux scandale parce que li ni tomal dara nek ci dara waaw parce que quand même Abdoulaye Wade limu wax dafa né ArcelorMittal do lo khalis man la kayit bo woné ArcelorMittal tam na khalis kenn fi ci gouvernement Sénégal mon ArcelorMittal 2500 milliards lañu wona fay 2500 tay amna condamnation ñaari jooni ak juroomi témer mo na ñaari jooni ak juroomi témer ci ay milliards de francs CFA lañu warona fa lolu kon maroul lañu ci won dole dara nga moy budget Sénégal man ko wa légui yow légui gënal kay bi condamné Sénégal bi condamné Arcelor pour mo fay lolu Sénégal amul kay ben décision lañu rendre ci affaire ArcelorMittal ak état du Sénégal décision bobu dafa né ArcelorMittal sa sa nañ yow contrat bi nga signé won ak Sénégal defoko kon man japp na né contrat bobu amatul ben décision 3 septembre 2013 ñaar Sénégal mën nañu jël sen permis légui mo ma nañ sen bop ci sen mère ku ñu neex ñu xol kan lañuy liggéeyal ak lan lañ koy liggéeyal liggéey ak mom ñet la ca dess nak ci yow ndax yow da nga def tojangé wala defo tojangé ak tojangé gogul lan la jural Sénégal lool dañ ko ba ben ni ñu so ci at ci la arsolo xamne yefi kat ñu commencé dess ci mom parce que quand même ñu doona borom xel ñu commencé di négocier ak état du Sénégal dafa ñu ay proposition yu bëgg nak tay mu ne nañ leen jox 75 millions ka leen ma rembourser leen leen Coumba Faye ka leen ma jox nangam nangam ñu ko da ñu damp lo xamni jar na damp lo xamna jar ko kay yakal nañu wala yakal nañu ñu dem na ñu dem na ci lool da na la 3 septembre 2013 ñuy wax di négocier le négoci di ñu soga trouver accord ci wala le jour 2014 la trouver accord accord bi mu ne légui na lañ fay 140 millions de dollars ak 10 millions de dollars yo xamne dañuy japp ne rek peut-être que lolu sen honoraire avocat ak sen frais yi ngeen dépenser lu beuri beuri bu ko wessu ñu fay nako ñu japp ne lolu bu ñu proposer ñu mëna la xam nga tax mu yëmu mëna d'abord mom mi nga xamne mom lañ doon xéxal bo jëlé société commerciale surtout société yi nga xamne dañ leen di côté bourse ak ñu nekk société multinationale sa bo len attaquer tribunal pour lacc len nampay wala lenen lo xamne man na jur lu ñu romb ñu won dalen ne da ngeen wara def provision sen resultat yi ñu mëna xamne lolu bu ñëfé ngeen def sen resultat ba paré du ko perturber définitivement sen resultat comptable lolu ñu tuddé provision provision waaw provision bi nak yonako teul bu yow directeur général bi yaay xey rek defo ben montant ina la da ngay def sa dossier nga jox ko sa ay commissaire au compte xam kon noyu ne bokul ci société bi la te ñoo xamne sen liguey bi ñu def dañuy engager sen responsabilité ñoom ñoy def évaluation bi ci sen xam xam bi len yalla may te mu nek sen cër ñu koy liguey ak lañuy xam ci dossier yu nu rok lolu souvent ni ko tribunal di atté ak fu mu mujjé parce que xam nga ciowal tribunal mu nga ko commencé tek mu jeex 5 ci nit sen ko bokk dafa ay resultat ñu ñew andi ben decision bo xamne da fay am ben effet ci exercice yi passé fay chamboulé affaire donc ñom dañuy calculer lolu day jaxassal lepp dañuy calculer lolu nga mo donc léro lé fi ñu japp nañ ni ci lu xam ak suma connaissance ak ñi gisé dossier xamna ni bo moyul da nga fay entre 100 à 100 millions lolu la arsela té lolu boko défé ba paré comme sa compte bi dañuy da ngay def nak legal opinion man amna ay avocat yo xamna ñu sen xam ko koy mat ci lolu dañuy jël certifier né li ñu def té ñom dañuy dem ci yoon di dem tribunal yi ñu évaluer japp nañ né raisonnable la ci ki bi xam nga kon moy propriétaire wu won né montant bi raisonnable parce que ArcelorMittal liñu provisioné 101 millions de dollars liñu provisioné té lolu dañ ko bind ci seen kayit Arcelor damay rappeler né société cotée en bourse la c'est-à-dire société cotée en bourse niñ leen di surveiller c'est 10 fois plus sévère que niñ surveiller les sociétés ordinaires parce que société bu nek ci monde bi la monde bi yépp lay contrôler incident bo def lu mu tout touti man na yak sa valeur boursière say action mën na chuter da xam nga liñuy wax risque lolu lañ ko jaral té lolu lañ ko jël liñuy wax risque de réputation manam nga dem ci yoon ñu kon société yi ñom seen image mo lañ jaral lu nek xam nga deug ya nga deug ñu wax responsable sociétal d'entreprise entreprise ko andi gérer seen image ak seen réputation ak seen crédibilité parce que sur l'international lool rek nga fa mëna jaay nit musafé bu day xaaliss di nga fa fekk ño xamné c'est 10 fois seen budget le ko mais nak crédibilité mom moy tax sur l'international ñu lay ubbé sam sa der dal sam sa der signature ak ñu né ki du xulokat la wala ki day yak kat la dañ ko bañ ci international biñu démé ba xamné nak dossier bi fofu leen dañu def condamnation té condamnation bi ñom xamaguñu ñata la xamé nañ ko ci ay critères yu scientifique mais xamaguñu ñata la ñu Sénégal la ñu ci Sénégal tamit xayma même ci ay expert nako buñ la proposer lu tollu ni pour ñu proposition bi baax yam nga ñu ñettal bi mo nañu laacc sama bop Sénégal lan la ñak bu dé préjudice lan la ñak est-ce que dañu jël oram est-ce que dañu jël feram dañ ko jël ñi tane jël ay kenn mo leen 1 gramme fer au Sénégal jël nañ ko ci Sénégal mu profiter ArcelorMittal liñu ñak moy bu ñu signé contrat bi té bañ ko jëfé ñak nañ liñuy wax perte de chance manam waron ta yaakar dara té amuñu ko ci yaakar dara dé wa légui yow est ce que bu togon ni tay mané la awa dama lay jaay sama da nga wa ñaata mané la temps mané d'accord ci prix bék yépp ba jour livraison bi mané la awa dotu la auto bi xam nga da nga takkar auto bi rek taxo goma sax est ce que buñu démé tribunal ñu konal la joxal awa ci auto lol dina yéno ma dedet kay dañuy légui nak motax perte de chance d'abord jurisprudence daf ko yéx réparer parce que dafa tok ba jaar mané man limay réparer ki limay demander mo réparer en réalité lan la lan la perte parce que gisunu ci mom ñu joge ci mom ñu ci man gisunu lu joge ci mom dem ci kele gisunu lu mu ñatt ni parce que préjudice biñ ci tamon ñun ci droit moy préjudice matériel bi li tacte nga ko dig bi yaama yakal sama bi yaama yakal sama auto yaama yakal sama kër ya def ni wala yaama saga waaw matériel wala moral wala da nga tek suma der lo xamne waro ko ci tek mais préjudice bi c'est vrai que amna touti mauvaise foi mais gisnu préjudice vrai matériel biñu tamone di réparer motax suñu ko fa motax bi yone gaay na war nañ ko réparer xam nga li tax bu may négocier ak yow quand même jël na billet d'avion dem na fi jël na ay avocat fay na len ay nangam nangam yoy yep ay frais la yo xamne exposer nako ci négociation wala pré négociation kon ñu xol frais yoy d'abord dem ko xayma ba paré nak ben règle de proportionnalité entre li ma waron am éventuellement ak situation autorité moy préjudice bu jafé réparer ci droit kon lolu mo tax ñu waré effectivement moy yéne mana benen critère bi wone né yéne mana moy kumba li ñu topé ArcelorMittal lolu lañu kumba topé état de Sénégal ñak jëfé accord lolu lañu topé état de Sénégal ñak jëfé accord ñom buñ leen ko nané 75 millions de dollars manam 37 milliards té ñak jëfé accord rek lañu ko nané ñu ñak jëfé accord bi ñu am ci double li nga xamné kumba mom la tek ci wa deug yalla ci bu fumay mujjé moy ñu joggé ci ben dossier même dossier contentieux bo xamné féru falémé bi la Sénégal waron ci fay 37 milliards té demi ak 8 milliards 45 milliards et demi bu joge ci déficit bobu bu andi lo xamne day fay suul li nga xamne Sénégal mom lo raf ah man japp na né bu ñu taccul né dem da ngeen efficace waru ñu leen ngañ lañ ci dess nak moy nit lu mu yaakar né lolu da koy may alal parce que ñom yaakar li ñu xam moy affaire business bi ak corruption ak bassis ak commission lolou dañ ko tam ngor abdoulaye mom lolou xam nga ne lolou mom mo nekkone sen ñaarelu sante ni yaakar nak kon lolou dal motax faa bi xajal ni yaakar na nak lolou amna ci parce que ni formel rek non lay atay ñeneen ni te ay lay yewen waaw mu yaakar nak lolou amna ci parce que mom mënul comprendre que liguey sa dekk ci ko xey normal te do jowar poste ak poste état lolou la yaay toñte non toñu mo mise la raté yow tay dama lay laj journaliste licence biñu jaayé expresso est xam nga prix bi ñatt la dama lay laj xam nga dama la bëgg won né li ma lay wax dama ko tek ci ay fitte fitte xam nga prix bi yow prix mo ken xam ko Sénégal xam ko xamna assemblée buñ fa defé dék ci xam ben bëss mais lool ken xam ko tay ñu né la li ginaaw su bu ñu né la no commission nangam sam yu bari da avancer dañ mais yu bari donc ñom do liñ tam motax gamu ñu né nit mën na liguel ci askan liguel Sénégal xol rek ndariñu Sénégal xol loy luy jaar sa tax nak tuma gi reew bu tek ko dalu Sénégal tek ko ci bi nga xamné ñoo ko jité kiko fi tek ni taxaw di xol legui na kon ku melni procureur warul def autosaisine mom ci borom rek la mbir mi ñu xam fu mu leer mën nako def mais xam nga procureur aussi xam nga lan la souvent dina def autosaisine mais dafa am li ñuy wax aussi opportunité de poursuite lolé bu xolé ñuy wax di waxu politique kessa la di ci poursuivre sax andi ciowlu beuri lay indi wat encore wa tété mom li ñu wara sauvegarder de manière principale moy ordre public lool motax day nit na def ngamelo le fang mais bu xamé né bu ko poursuivre mën na andi trouble à l'ordre public wala andi ay ciow yu bari wala il préfère ne pas poursuivre mais lool tam du tax bop sénégalais mais li tax non li tax muy ubbe ko moy lenn moy ñu wax nañ sénégal liñ ci bëgg moy gouvernance solo gouvernance bop wala nañ né tënk nañ suñu bop pour gouvernance bop mëna ay ñu andi of nak wa nga xamné bala ngay dugg ci ministère da nga nan li la am mais nak malgré tout tout ma rek diko tek ci sénu def mais motax xam nga ak ki lenen ñu da ñak waaw ki nit lañuy xol dokk bi ñu mel ñun xam nañu ne lolu amul problème mais à chaque fois que touma amna dinañ ñew léral sénégalais bop lér won léne té def na premier ministre def nako ci am ñu rafet ok kon yeen ngi dégg ba tay sen émission jëm bi fi ci Sud FM Sen Radio kaddu gi di bayiko ci Dakar mais sax nak ñu ñuk ci groupe politique carrément ñu gissé amone ni benn bokk yaaka film bi parce que film la sen politique lolu man dama bëggoon nga dem no no nima ko gissé nima ko bëggoon gissé ning ko bëggoon gissé nima ko bëggoon gissé non do wonga man duma devin man amna touti sérét ak yebou mais ning ko sétlo ci jamono mais duma ki ning ko sétlo pangoli duma amna buma démé ci ajay wicket na laaj pangoli ne len di na tass wala di taxaw dina taxaw mais en tout cas dal nima ko bëggoon parce que man dama bokkon ci ñinga xamné dama gëmé benno bokk yaa réceptacle politique bu am solo la gëm personnalité politique yi ko bokk té nek ay borom daraja nek ay kangam gëm aussi poids politique bu mu war am budé doxna bu baax parce que éléphant la ñay la ñay dem mu diss wa ñay la ci bir mandang ki wax deug yalla donc bu doxé ni mu wara doxé dayna du ko yab ba diko jëma andil ben problème mais nak ci doxine bi gis na la wax deug leg dina soxé manam manke na vitalité manke na spontanéité manke na trop solidarité wa liko waral nak est ce du la fekk ñoom do leen dajé presque wa dedet xam nga di presque xam nga dajé yu bari non dajé yu bari kenn waxuko mais bi ñeen togué ba légui seen dajé tam mën nañ wañi mais biñu mujjé dajé nañ fi méritier un week-end wa tok waxtan échanger sur le programme du gouvernement etc mais nga gis ay sorte yo xamne do comprendre sorte yo c'est pas ñak dajé moko justifier non dedet ñak peut am conviction parce que aussi ko ci bu dajé bu bari bi xam nga pour man ni ma gëm xaaral yene say aussi da ngeen dul déggo ci ay cadre xam nga yene say nit dina wax ay cadre liñ nane wax neexul dégg mo neex bu gis nga wa coalition conférence des leaders de l'OCDE Sénégal bi ñu génné parce que dañ ñu won dañu exiger la lumière sur l'affaire ArcelorMittal ak exiger la lumière wa déglu ma rek mais biñ ko waxé semaine bobu ci la premier ministre genn danaka def ben conférence de presse mais lool mo warul xam nga lool taxul premier ministre def conférence premier ministre bi def conférence pour léral askan pour léral askan bi mais comme ñom léñu wax taxul ñu def ko taxul ñu def ko wa té waruñu ko won wax ali da waruñu ko won wax xam nga li té waruñu ñom dañu bokku ci sénégal yu xam nga li té waruñu ko ku ci yeen non mais attends donc buñ leen dé tout mal dinañ leen né dem leen ngeen wéti ji aussi benno bokko yakar non non benno bokko yakar les conférences les leaders là sont là là rapidement ñu mais affaire bi na la dem ñu gën tay rek mais bo bëgg laaj la dara ñu mel ni yow ma tok ak sa frère ci ben kër waaw yow am lu xew fele ci mbedd mi nga gën sa jël rek radio bi ne sama frère warna wax li warna leral affaire yi li lerout nang ko xamne yow ya ko gëna xam ñep parce que ya koy vidéo chaque jour bu ko tumalé ci mbedd mi bon suma non yow bu ko tumalé ci mbedd mi da ñew ba ci biir kër ciow lu ñu kur ci mbedd da ñew ba ci biir kër d'accord ne ko ko lan saway limay dëgg dedet kay wëdd ni ko lan saway limay dëgg ni lan la non attends dang ko lan saway limay dëgg ni lan la wax la ba pat bu ne lim la wax doyna la nga ne lim ma wax doyna bude lim la wax nak doyou la malgré li ngui koy demander bu ki nga soga nak wax même ni lay wax bu la doye war nga ko dey mu sama wax doyna wa mais do ko wax ni koy deg do doyou len do ko wax ci genn ci mbedd mi ko tonku len ko wax ci mbedd mi di tax do ko wax ci mbedd mi dafa parti politique ak coalition de parti politique ñoo am ñu dem ñom seen bir parti amna ciow yu bari est ce que ñu genn ci mbedd mi niko wax dem bu ciow amé dañ nan non ça concerne le parti va régler et cetera parce que ku ne xamna parti gol di ni muy doxé mais parti politique ni muy doxé tam coalition de parti ni ko doxé dé bu len faté ay parti yu bari la yu joggé fu nek ku ci nek ñew ak sa gis ku nek ak idéologie normalement coalition de parti ak parti politique ni muy doxé ben la wara dé ben la wara dé non mais ñu nek dañu nek coalition bokku gouvernement bokku assemblée nationale bokku lepp am ay circuit yo xamné c'est des circuits de communication officiel circuit de communication lolu amé sé lolu man kené té yow ñu né gouvernement bi taxaw ali nga wara touti sax soldat de ah bon dégg nañ ko mais comme ki ñi déggé waxam mom souvent nak sénégal xam nañ né ay waxam lég lég li ci ëpp ah té nak comme légui mag la manam dal way nak bon gouvernement mom dina andil ay léral ci su nga né gouvernement wax la léral mais ah gouvernement on exige demande d'explication la bo len andé politique amna yo xamné mais sal même ay andal sax nak yenn say ko ken tollu fo xamné ko ay nañ wax ba nit ci ngay mais ci bir ci nañ wax ci bir OK mais bu ko melni da ngay désolidariser wu déjà wala da ngay nek dans le banc des accusateurs xam nga lolou da fa tout c'est une pression supplémentaire yo xamné vraiment ñu liñ bëgg ci benno bokk yakar ak ci parti politique bu and ak gouvernement mo diko déglu am confiance ci mom diko bëgg diko jappalé mais waxna la fi légui réforme bi ñam kan moy détracteur réforme ñu boy xol chien parti ñu bokk ñet ci mouvance présidentielle mais boy xol ci yeen parti lañu né mom fo lañu moy sen wasu parti socialiste ci bari parti socialiste mo tam man la il y a des choses essentielles sur lesquelles normalement dañ mo bokk yaaka dañ ci wara am convergence de vue am ci ay partage am ci lo xamné dañ ko gëm wa mais nak nekando yow ñep ci ben tay nga nek fi té aussi yeen tamit nak bu ngeen ci seen fa soxé ngeen waxtaan bëré du na la soxé mais dama la wax fi légui ni yow xam nga né lay du lay soxé ci réforme bi xam nga la dé organisation fi la dal am institutionnalisation des communes maître bu ma indi won dogu ñu ci deuxième phase bu ma indi won keneen fi te bu waxé ba paré xam nga ben lay tax bu waxé ba paré dama bëgg nga inviter ko ñu ñëw fi toga gaay ñeen ku ñu woo wax ak gaay jëm paré bu joggé nga né ah ay lay yewen ci daal am itam lim wax képp ko wéne ñaan mom xamna li ngeen dëkk le politicien rek da nga naan dañuy wax rek ku ci wax ba paré nga yaakar né kenn ku ci wax ba paré ñu ni mom ñu dañu tibbu politicien ñun dañu tibbu politicien ba ñu politicien ngeen ñun politicien bo xamné ñu respecté suñu yene nouveau type de politicien wa dañuy respecté suñu askan ba nga xamné dañuy bañ suba tok ci radio wax fa lo xamné da ngeen naan ñu ñu né li ki wax nekut parce que li ak nañu ak nangam mais dama la won ci ay fini la ko ñu xex ci statut wala na dañu yok statut wala na dañu yok sama wala na dañu yok compétence ko bamtu ko paré wax yalla kon nak wanda la na xexu ñu waaw légui nak paré ak sen sommet wu francophonie bi nga xamné doon ngeen ko organiser mu nek nak ñu bari ñi nga xamné ñoo nek observateur ñene c'est une réussite ni ci seen xam xam match ni réussite la wala da ci réussite wala ma may nek ci benen côté côté ba d'accord wa légui nak bu bëggoon comme c'est une réussite est-ce que mo ngi wax vraiment lan la jurool sénégal ci jamono joju parce que dama gis ne ci rew yu mag yi danaka buñ ko fay magal kenn ko yek sax wala danaka ndajamu ndaw lay doon ñu def ko mais magal mom danaka la lu ngeen tay seen drapeau francophonie nak francophonie beesal ngeen ko def ngeen lu ne francophonie xam nga awa moy deuxième organisation après ONU deuxième organisation après ONU donc presque plus de 87 pays ñeu fi mu am denen 3 pays yo xamné dañu dañuy adhérer lolou tay woné encore ferme succès bi donc mo tax il faut ñu féliciter président Macky Sall féliciter ñi nga xamné ñu dénkon organisation sommet bi ak ñi nga xamné ci impliqué wu acteurs scientifiques féliciter aussi yalla yalla dimbal nañu ñu woné wat encore tard ak image Sénégal au-delà de ni ko organiser perfection nga xamné ñepp d'accord nañu ñepp d'accord nañ ci mais vraiment cœur biñu cëral Abdou Diouf devant la communauté internationale tudé ko centre international franco ki bi jamnaajo bi de Dakar bon, vraiment lu rafetal ak rafet la lo xamné dafa yokkat encore benen dimension émotionnelle ci succès bi donc lañu jural nak bari na parce que déjà Dakar pendant 2 jours nek na capitale du monde bi bu mo meune exprimer wu ko télévision yeb Dakar lañuy wax lolou kenn xam la won bay limuy andi ci le plan de la diplomatie gis nga après puis ñu enchaîner avant francophonie déjà la star de l'Afrique de l'Ouest c'était le président Macky Sall ñu désigné ko fi mu dem Burkina dem CEDEAO etc nek andi wat jamm ji presque Burkina Faso gongé len ba nga xamné retrouvé wuñ ba am ben gouvernement bo xamné légui dëkk bi mu ngi ci dal di doxal ñu joggé fofu ñew gis nga mu réaliser ci francophonie bi ñu ñew fi yaakaaron nañ bu ñuy genn fi duñu am secrétaire pour francophonie bi secrétaire général am nañ ko ci ay anam yu am ci jamm amul xëccio amul ngaayo finalement candidat de consensus lañ am pour am ko sans compter retomber sur le plan du tourisme ak le rayonnement du Sénégal gis nga déjà implication du forum international sur la sécurité organisé à Dakar c'est pas pour rien Dakar n'est pas la zone la plus menacée de l'Afrique de l'Ouest hein demat noir chaud devait ay machallah ja yakar nan le rayonnement diplomatique du Sénégal mom tagol ga wax moy tagol moy ziar len content toujours di ñew ci sen radio bu am solo bi xamne vraiment ay professionnels yu man sen metti ñu ko lé di gërëm ak di féliciter ak di remercier ñi deglu ñep di lan ñaanal jamm jeure jeuf kon Elhadji Omar Youm mi nga xamne si mo ne dañ ñi ñu denk walu décentralisation ak et ndurum aménagement du territoire mu nekkon suñu invité ci émission Diano bi di am dibeer bu nek 11h ba midi mbokk deglu kat yeen tam jaagne jeuf ci deglu bi jaagne jeuf ci colère ngeen fas ak de dem sen radio ñu jox leen dig dajé ba ben yoon inshallah émission bi nak mën ngeen ko deglu wat altiné bu sobe yalla bu journal 22h jeexé